Ce vendredi, à la vie en BD, on porte un regard sur l'univers western de Undertaker avec le dessinateur Ralph Meyer. Également des commentaires et des suggestions en bande dessinée et en littérature jeunesse illustrée. Vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour porter un regard sur l'univers du 9e art de la bande dessinée. Et cette semaine, on profite de l'occasion avec le Salon du Livre de Montréal pour faire une belle rencontre avec le dessinateur Ralph Meyer. Si vous avez eu l'occasion de voir la bande dessinée Undertaker, vous avez partagé peut-être mon enthousiasme par rapport à cet univers, un retour vers le western classique, un western un peu dans la lignée des Giro, dans la lignée des Book, dans la lignée des JG, dans la lignée de Blueberry, notamment si vous voulez plus une résonance série, et un regard moderne aussi sur cette mise en forme classique qui en font vraiment un récit réussi d'un point de vue graphique. Je mets l'accent là-dessus puisqu'on parle avec le dessinateur tout à l'heure, mais également appuyé par un scénario très solide de Xavier Dorison qui s'amuse à justement interpréter, s'approprier les codes du western, mais également les pousser plus loin. Alors déjà, des indices, des éléments qu'on discutera avec Ralph Meyer dans quelques instants. Également, on parlera donc avec Julie Gagné et Marco Duchesne, donc des chroniques autour de la littérature jeunesse et de la bande dessinée. Mais tout d'abord, en fait, on est en ligne droite vers la fin de l'année, alors nécessairement la période des coups de cœur est déjà ouverte, et la période des palmarès de fin d'année également. Premier qui est sorti, c'est ceux de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, dont j'ai le plaisir de faire partie. Alors, petit rappel, c'est un prix qui s'appelle le Grand Prix de la critique, qui a pour but de soutenir et de mettre en valeur, dans un esprit de découverte, un livre de bande dessinée publié en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l'auteur y déploie. Alors, il y a une liste donc de 15 titres qui a été proposée suite au vote des 84 membres actifs de l'association. Alors voici les 15 titres retenus. On parle d'Arsène Schrawen, d'Olivier Schrawen à l'association, de California Dreamin' de Pénélope Bagieux chez Gallimard, de Carnet de santé foireuse de Posla chez Delcourt, de Catharsis de Luz chez Futuropolis, de Cher pays de notre enfance, enquête sur les années de plomb de la 5e République d'Étienne Davodeau et Benoît Colomba chez Futuropolis également. Les Équinoxes de Pedroza, dont on parlera d'ailleurs avec Marco Duchesne tantôt, chez Dupuis. La Favorite de Mathias Lehmann chez Actes Sud. Ici, de Richard Maguire chez Gallimard. Panthère de Brecht Evans chez Actes Sud. Le Piano Oriental de Zeina Abi Rached chez Casterman. Le Rapport de Brodeck, tome 1, l'autre de Manu Larsenet chez Dargo. Le Sculpteur de Scott McCloud chez Rue de Sèvres. Tungsten de Marcello Quintanilla chez Ça et Là. Un certain Cervantes de L'Axe chez Futuro. Et enfin, Zai Zai Zai Zai de Fab Caro chez Six Pieds Sous Terre. Alors donc une sélection de 15 titres qui est présentée par la CBD. Ce week-end, en fait, il y a une sélection de 5 titres qui sera effectuée à partir de ceux-là. Et ensuite, l'ensemble des membres sera appelé à voter pour le Grand Prix. Et autre liste dont je voulais vous parler cette semaine, c'est donc les Academy Awards du côté américain qui ont annoncé la courte liste des films d'animation. Donc pour à orienter le vote. Donc, ils ont retenu 10 titres. Évidemment, les votants pourront en choisir, je pense, c'est 3 ou 5 nominés au final. Et là-dessus, je le signale parce que il y a 2 films de l'Office national du film qui ont été retenus. Autoportrait de Claude Cloutier. Claude Cloutier qu'on connaît, entre autres, aussi en BD pour Gilles de la Jungle. Et également, Cordell Barker avec son If I Was God. Alors, évidemment, on croise les doigts pour que ces films canadiens trouvent une voie vers la liste finale des mises en nomination en route vers le gala des Oscars. Alors voilà, pour ces clins d'œil en musique cette semaine, c'est la formation Ozd qui nous accompagne avec leur album 8-Bit Run. On en écoute un premier extrait. Vous êtes toujours sur les ondes du 89.1 CKRL. Raymond Poirier toujours avec vous, évidemment, pour La Vie en BD. En vous rappelant que vous pouvez nous suivre sur Facebook, et on parlait d'actualité avant la musique, et ben on en poste un peu plus, d'ailleurs, sur cette page, donc facebook.com/La Vie en BD. Alors, on profite donc du Salon du Livre et de ses invités pour faire quelques belles rencontres, et ben principalement avec le dessinateur de la série, actuellement Undertaker, qu'il dirige avec Xavier Dorisson au scénario. On a le plaisir de l'avoir avec nous au bout du fil. Ralph Meyer, bonjour. Oui, bonjour. Alors, au départ, peut-être, là, qu'est-ce qui vous avait amené, vous et Xavier Dorisson, vers l'univers du western? Je pense que tout simplement, c'est une envie qui est liée à notre âge. Je crois que c'est générationnel. On est des gens qui ont un peu plus de 40 ans maintenant et qui ont connu plus jeune une émission en France qui s'appelait La Dernière Séance, qui proposait tous les mercredis soirs un ou voire deux classiques du western. Et pour ma part, c'est vraiment des premiers films d'aventure qui m'ont marqué à vif. Et puis aussi, il y a bien sûr la lecture de bandes dessinées de classiques de Lucky Luke et de Blueberry qui ont aussi été une influence majeure. Donc c'est un peu d'une certaine façon un retour à l'enfance aussi d'une certaine manière? Oui, dans une certaine mesure, oui, c'est essayer, en tout cas, ce qu'on a envie, c'est de proposer les mêmes sensations à des lecteurs d'aujourd'hui que celles qu'on a eues à cette époque-là, quoi. Et dans le contexte de cet univers-là, vous avez choisi de mettre de l'avant un personnage qui, dans tous les westerns archétypaux, est présent, mais souvent un personnage secondaire, qui est la figure du croque-mort, et l'iconographie particulière aussi qui est associée à cette figure-là. Oui, tout à fait. Disons que le croque-mort, comme vous l'avez dit, est un personnage qui est incontournable dans le western, mais qui n'avait, en tout cas, à notre connaissance, jamais eu les faveurs du premier rôle. Donc, en ce sens-là, c'était très intéressant parce que ça nous permettait de rentrer dans le genre qui est archi-codifié, qui a des passages obligés, et de pouvoir les aborder d'une manière un petit peu plus fraîche, parce que la caméra se décale un petit peu du fait de la profession du personnage. Et puis aussi, d'un point de vue graphique, c'est un personnage qui est vraiment très intéressant. Il est très iconique, mmh, avec ce costume tout noir et ce haut de forme. Donc pour plein de raisons, c'était un personnage qui, à notre avis, était très excitant à développer. Oui, puis en fait, à développer aussi hors des clichés, d'une certaine manière, parce que quand on pense croque-mort et western, en BD, on a la référence Lucky Luke, par exemple, avec le bonhomme cadavérique et le reste, mais dans votre cas, on prend aussi nos distances par rapport à ce qui pourrait être cliché par rapport à ce type de figure-là aussi. Oui, oui, tout à fait. En effet, on a l'idée, toujours, c'est qu'à partir du moment où on est sur des personnages qui sont des clichés, en effet, c'est d'essayer de jouer la carte du contraste. Donc, en effet, il fallait qu'on aille aux antipodes de ce qu'avait pu proposer Maurice et Goscinny en leur temps dans Lucky Luke, oui. Et pour trouver justement votre croque-mort, vous avez joué un peu, de ce que j'en ai compris, à trouver la mi-chemin entre la vision qu'en avait Dorison, la vision que vous en aviez, de trouver une manière qui soit charismatique et un peu hirsute aussi et sale, donc de jouer un peu avec ses dimensions pour lui donner corps, dans le fond. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que avec Xavier, on a souvent, comment dire, on n'a pas les mêmes aspirations sur un personnage principal qui lui a envie d'être sur le anti-héros, donc des physiques pas du tout charismatiques a priori. Et c'est vrai que moi, au niveau de mon dessin, j'ai plutôt tendance à aller vers des belles gueules, comme on dit. Et donc, mais c'est intéressant parce qu'on doit faire un chemin tous les deux pour arriver finalement à un personnage qui est autant celui de Xavier que le mien, et je pense qu'il lui amène une certaine originalité, quoi. Est-ce que ça a été facile de l'incarner sur la planche, justement, ce croque-mort? Eh bien, oui. Il est venu... le mettre en scène a été très facile, en fait. Ça m'est venu très, très naturellement. C'était à croire qu'il était fait pour moi, quoi. À travers ça, enfin, on parlait du costume aussi. Il y avait le terme élégant qui me revenait, malgré le côté sale justement du personnage, de cette élégance, ce charisme-là qui ressort beaucoup de la façon dont vous avez choisi aussi de nous le proposer. Là. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'il a un côté un peu déglingué comme ça, mais en même temps, oui, l'envie qu'il ait quand même du charisme, qu'il ait que ce soit quand même un héros entre guillemets. Et dans une certaine mesure, tout ça emprunte un caractère qui, si on reste un peu dans le descriptif justement de ce croque-mort-là, qui est empreint d'humour noir, de sarcasme aussi, qui donne aussi un mordant au texte que vous avez à mettre en scène, au dialogue de Dorison. Tout à fait, tout à fait. Il est complètement iconoclaste et c'est jubilatoire à mettre en scène parce que voilà, il est tout le temps dans la provocation et avait un humour, en effet, plutôt grinçant, mais que je trouve vraiment, oui, jubilatoire, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est dans la dynamique qui est placée. J'imagine que cette dynamique-là aussi doit aider au niveau de la mise en scène, tant du tome 1 que du tome 2, avec le personnage de Rose, qui est plus aux antipodes, si on peut dire, du croque-mort de John Ascrow, qui est beaucoup plus carré sur ses principes, arrêté, le reste, plus vieille bourgeoisie anglaise, à la limite. Là. Oui, oui, tout à fait. C'est complètement ça. Mais une fois de plus, c'est cette idée, j'en reviens à ça, de contraste. C'est, si on veut faire un duo qui fonctionne, il faut que le contraste, il faut jouer cette carte-là à plein, parce que c'est celle qui permet en fait les conflits, et c'est les conflits qui amènent, je veux dire, une certaine saveur dans leur relation, quoi. Et j'imagine au niveau de la création des planches, ben, de se retrouver avec une scène de dialogue entre ces deux personnages qui dialoguent quand même beaucoup, évidemment, dans différents contextes, ben, ça donne plus de piquant à pouvoir mettre en scène des personnages qui sont justement en opposition. Ça vous donne plus d'outils, j'imagine. Oui, disons que on est. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on est à mi-chemin entre de l'aventure avec un grand A. Et puis avec des mini-séquences à l'intérieur qui sont, une certaine mesure, plus proches de la comédie, finalement. Et donc, le spectre de possibilités de mise en scène est plus large, donc c'est plus intéressant, en tout cas, et plus riche, à mon sens. Et si on reste un peu dans les qualificatifs de la série, je reviens à ce que vous disiez au départ. Donc l'idée c'était d'explorer le genre du western classique. Et j'imagine que, je pense que j'étais tombé sur une entrevue où vous disiez, faut quand même, considérant tout ce qui s'est fait dans le genre western, faut avoir un certain courage pour choisir de se lancer aussi dans cette suite de gens qui sont attaqués à ce style-là, à cet univers-là. Surtout si on le fait de manière classique, là. Oui, oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Alors déjà, si on ne parle que de la bande dessinée, il y a une tradition franco-belge sur la bande dessinée réaliste et sur le genre western où on a quand même eu des noms incroyables, que ce soit en partant de Jigé jusqu'à Giraud, bien sûr, mais plus récemment des Christian Rossi ou des François Bouc qui sont quand même des dessinateurs hors normes. Donc c'est évident que passer après tous ces gens-là, c'est un petit peu, ça met la pression, quoi. Après, une fois de plus, ce qui est intéressant aussi dans cette tradition graphique, c'est que finalement, et moi ça m'a permis de me détendre par rapport à ça, c'est de revoir par exemple le trajet, le parcours de Giro, où disons sur les 8 ou 10 premiers albums de Blueberry, il y avait une influence de JG qui était vraiment majeure. Donc il lui a fallu du temps pour se dégager de cette famille graphique et réussir à imposer une patte qui lui était propre. Voilà, donc moi à mon échelle, j'espère avec un peu de patience arriver aussi à un moment quitter un peu cette influence forte pour arriver à un dessin peut-être un peu différent, quoi. Mais en même temps, déjà, on sent aussi dans la manière que vous avez choisi de mettre en scène tout ça, une volonté de s'inscrire dans l'esprit classique du western, dans l'iconographie, dans le reste, mais en même temps, avec une volonté aussi d'avoir une mise en scène moderne, si on peut dire, à défaut de meilleurs termes. Oui, bien sûr. C'est sûr que on ne fait plus de la bande dessinée aujourd'hui comme on la faisait il y a disons 30 ans quand c'était l'âge d'or d'un Blueberry par exemple. Il est évident que le médium a évolué et évidemment je n'ai pas que comme influence Jean Giraud. Il y a beaucoup de choses qui me touchent dans des registres très très différents et tout ça me nourrit et fait que voilà ça a une influence sur mon travail. Et nécessairement, ça nous amène en même temps, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu une force du genre, dans la mesure où il y a énormément de codes, donc c'est un peu à vous, autant au dessin qu'au scénario, dans le fond, de voir quels codes on s'approprie et quels codes on dépasse, finalement. Alors, disons que c'est sûr qu'avec le personnage du croque-mort, c'est une facilité, finalement, parce que aujourd'hui, raconter l'histoire d'un shérif ou d'un hors-la-loi ou que sais-je, c'est plus compliqué qu'avant, parce qu'il y a eu tellement d'histoires qui ont été faites sur des personnages ainsi. Il est évident que pour nous, le croque-mort amène une fraîcheur sur le genre, quoi. Mmh. Oui, puis même en fait, dans certains éléments, je prends un exemple dans le premier tome où on voit le croque-mort justement arriver dans un saloon et on pourrait avoir le cliché, ça serait ben tu sortiras pas ici d'ici vivant, etc., etc. Mais lui, finalement, il se commande un steak pour son oiseau. Oui. Et donc oui. Subitement, on lance un pied de nez dans le fond aux attentes et on campe aussi le fait qu'on n'est pas dans un western classique au bout du compte, là, qu'on va dépasser, qu'on va s'amuser, jouer avec les attentes du lecteur dans le fond. Exactement. C'est toute la saveur de la chose, c'est que finalement, comme je disais, les passages obligés, il y en a dans le western. C'est un genre qui est vraiment archi-codé. Et par contre, jouer avec ces codes-là, voilà, ça c'est plutôt excitant, quoi. Et là, en effet, la scène du saloon en est un très bon exemple. Et en parallèle, ben, on découvre aussi beaucoup des planches qui sont découpées de manière quand même assez dynamique. Vous jouez beaucoup avec la mise en page des cases, leur forme, laisser de l'espace pour certains plans, au contraire encadrer très rapidement d'autres. Donc vraiment, j'irais pas imposer un rythme de lecture au lecteur, mais quand même vraiment orienter le rythme par lequel on va dévorer, si on peut dire, cet univers-là. Ah oui, bah ça, je pense que c'est en effet la responsabilité des auteurs d'imposer dans une certaine mesure ce rythme-là, même si la bande dessinée a cette particularité que le lecteur peut faire un arrêt sur image quand il veut revenir à la page précédente quand il le souhaite. Donc voilà, c'est sûr que sur le rythme de la mise en page, on a des intentions claires selon le type de séquence qu'on a à traiter. Mais après, le lecteur reste le maître du rythme de lecture, quoi. Et dans la mise en page des éléments, est-ce qu'on a plus de... On parlait tout à l'heure, en fait, de séquences de dialogue. Je mettrai en parallèle avec des séquences d'action, comme si je reviens encore au premier tome, que peut-être plus de gens qui écoutent ont lu. La séquence de l'attaque du pont, par exemple, donc qui est un beau moment, en fait, vraiment, qui frappe l'imaginaire. Est-ce qu'on a plus facilité à mettre en scène une séquence comme ça qu'une séquence qui, au départ, peut sembler peut-être plus anodine, entre guillemets? Oui, c'est vrai que étonnamment, les scènes d'action, les scènes qui où il y a pas mal de choses qui se passent, sont finalement plus faciles à mettre en scène parce que c'est l'action qui dicte finalement la mise en scène. Quand on a par contre une séquence de dialogue dans un bureau par exemple, c'est infiniment plus difficile à mettre en scène parce que il faut être plus juste. On ne peut pas aller dans la surenchère, dans l'exagération comme on peut le faire dans une scène d'action. On doit être vraiment faire que le jeu d'acteur soit vraiment le plus juste possible et en termes de mise en scène être dans la bonne la bonne dynamique. Donc c'est plus compliqué finalement. Et tout ça avec le souci aussi de séquence en séquence, je parlais de grands espaces tantôt, nous faire sentir l'immensité, si on peut dire, du territoire dans lequel il se trouve. Oui, oui, ça c'est sûr que c'est des séquences qui sont nécessaires aussi, parce que un élément qui est... le décor dans un western est un acteur à proprement parler. Donc, évidemment, il faut lui laisser de la place pour qu'il s'exprime. Quoi. Et comment s'est passé, justement, le développement de ces éléments-là? Recherche graphique, j'imagine, au niveau du décor ou au niveau des personnages aussi, pour camper le croque-mort, pour camper Rose, pour camper Madame Lynn et les autres personnages qui gravitent autour de tout ça. Comment vous avez procédé? Comment ça s'est passé? Alors, disons que c'est finalement, à partir du moment où on discute de la psychologie des personnages, alors on travaille les physiques et les attitudes en fonction de leur profil psychologique. Et alors, je vais en revenir une fois de plus à cette notion de contraste. Ça peut être intéressant sur certains personnages parfois de jouer la carte du contraste. Même si ici, dans le cadre de Jonas et de Rose, on a vraiment essayé de trouver des physiques qui étaient finalement les plus adéquats par rapport au profil psychologique qu'on propose des personnages, qui est maintenant aussi le profil psychologique des personnages dans un tome 1. Et évidemment, on a encore pas mal de choses à raconter et à développer sur les personnages qui vont leur donner, disons, une dimension moins basique. Il y a pas mal de subtilités encore sur les personnages qu'on va amener. Oui, bien nécessairement, faut se laisser un terrain de jeu. On commence avec le diptyque, mais j'imagine qu'il y a espoir de faire une série de diptyques et pas seulement s'en tenir à ces deux premiers-là. Oui, oui, tout à fait. Dès le départ, c'est la volonté de développer cet univers, tant qu'on aura des idées, des pitchs pour les prochains diptyques, on en a, une dizaine, quelque chose comme ça. Donc en termes de matière, on a vraiment aucun souci, mais surtout on a vraiment l'envie de en effet développer ces personnages et de les creuser, quoi. Et surtout, j'imagine aussi, dans une dynamique de travail d'équipe avec Dorison, vous aviez fait avant Undertaker, je pense, à peu près 4 albums sur lesquels vous avez collaboré. Là, maintenant, en plus, avec les deux Undertaker, ça nous amène à 6. Donc, j'imagine que vous devez être en mode collaboration instinctive ensemble. Oui, oui. Bah, on peut commencer à dire qu'on est un vieux couple. Mais non, c'est très intéressant de travailler avec Xavier, outre l'amitié immense que j'ai pour lui. On s'entend vraiment très bien et on a envie de raconter finalement les mêmes histoires. Et ça, c'est vraiment la base. Et à partir de ça, notre relation de travail est vraiment évolutive. On se rend compte qu'on affine de plus en plus à chaque album notre manière de collaborer qui est très intrusive finalement dans les espaces de chacun. Je peux être très présent sur le scénario, tout comme lui peut l'être sur la partie graphique. Ce qui fait que je crois que dans une certaine mesure, Undertaker est le bouquin qu'on a fait où on sent le moins le fait qu'il y ait deux personnes. Je crois que ça pourrait être un auteur complet qui aurait pu faire Undertaker tant... j'ai le sentiment que notre relation est vraiment très très fine. Oui, puis en fait, pour dire, je suis tombé sur une anecdote en farfouillant sur le web où Dorison, je crois, vous étiez en non disponible, il avait planché sur une première version du scénario de manière solo. Vous étiez revenu, puis finalement, lui il s'était rendu compte que son scénario marchait pas autant qu'il aurait voulu, et il a reparti le scénario à zéro de manière collaborative, comme il aurait voulu le faire au départ. Oui, tout à fait. On a gardé une séquence de la première mouture. Mais c'est ça qui est très chouette avec Xavier, c'est que y a pas de question d'ego, de mise en avant d'ego. On est vraiment là tous les deux pour faire le meilleur bouquin possible et s'amuser le plus, parce que je crois que c'est une valeur qui est très importante dans une création comme ici en bande dessinée, c'est que les auteurs prennent du plaisir, parce que c'est une valeur qui est que le lecteur va sentir. Mmh. Quoi. Et en ce sens-là, bah voilà, avec Xavier, on est vraiment sur la même dynamique et sur le même enthousiasme. Et tout ça à travers l'idée, en terminant, de la création d'un mythe, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça, la nature même du western. C'est un peu comme on le voit dans Les Léonés ou dans d'autres éléments aussi. Si on regarde du côté cinématographique, mais on crée des mythes, on crée des figures plus grandes que nature dans un milieu qui lui-même est plus grand que nature, au bout du compte. Tout à fait. Pour moi, on est clairement dans des récits mythologiques. En plus, il y a souvent c'est souvent des récits à parabole avec une certaine moralité qui en ressort. Donc, c'est un terrain de jeu qui est parfait pour aborder des thématiques qui, pour le coup, peuvent être très contemporaines. En l'occurrence, dans le Mangeur d'or. On parle de la richesse et de l'héritage de la richesse, et qu'est-ce qui fait que quelqu'un, à partir du moment où il est mort, peut aller être enterré avec son or, alors que il y a des gens qui crèvent de faim juste à côté. C'est légal. Mmh. Fondamentalement, c'est légal, mais est-ce que c'est juste? Alors voilà, on n'essaye pas de donner particulièrement de réponse. On n'est pas là pour ça, mais par contre, je trouve que c'est intéressant d'aborder des thématiques comme ça en creux, parce que ça peut amener un début de réflexion sur le sujet. Mais Ralph Meyer, donc dessinateur, je rappelle, sur la série Undertaker, merci beaucoup d'avoir passé ces minutes avec nous. Merci beaucoup pour toutes vos questions, c'était avec plaisir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, je rappelle, donc, série Undertaker, donc, dessinée par Ralph Meyer, scénarisée par Xavier Dorison, et le tome 2 apparaît sur les étaux des libraires tout récemment, tout prochainement, si ce n'est déjà fait. Avec la musique de Oz qui nous accompagne au fil de cette émission. Je prends un petit 3 minutes pour vous parler d'un titre que j'ai eu l'occasion de lire cette semaine. Je tenais absolument à vous en parler. Il faut dire que je suis déjà conquis par l'auteur Derf Bagderf, et qui nous revient donc avec un troisième album. On l'avait découvert, cet auteur, avec l'excellent Mon ami Damer. Ensuite, ce succès côté francophone nous avait permis de pouvoir replonger dans des bandes dessinées qu'il nous avait offert auparavant, mais seulement en anglais, donc Punk Rock and Mobile Homes. Et cette fois-ci, on se retrouve donc avec un troisième opus qui nous ramène un peu, d'une certaine façon, dans sa création précédente, puisque c'était un premier fanzine qui avait offert, inspiré de son expérience de travail dans les années 70-80, en fait, 79-80, où il travaillait comme éboueur. Il a fait un fanzine sur ça, et Il décide de retourner dans ce matériel pour offrir une bande dessinée en bonne et due forme, mais finalement se distancer, s'émanciper du contenu autobiographique qu'on y trouvait pour créer un récit à part entière, un récit qui, à certains égards, témoigne, si on peut dire, de ce travail, des aléas de ce travail, de la dynamique de ce travail qu'on connaît, somme toute peu, si on n'y travaille pas nous-mêmes. Et parallèlement, devient aussi une critique fine et juste des excès de notre société de consommation avec la roue de la consommation qui amène les vidanges jour après jour, année après année, mois, siècle après siècle presque. Donc, il y a cette dimension-là également qu'on retrouve. Tout ça avec le ton qu'on connaît de l'auteur, vraiment donc un ton un peu sarcastique, un peu déluré également, des personnages qui sont un peu d'éternels adolescents, peut-être qu'ils peuvent sembler aussi au départ donc des paumés, des personnages un brin caricaturaux, mais auxquels justement on greffe des dimensions au fur et à mesure de l'album pour nous faire percevoir un peu d'où vient cette dynamique au départ et comment s'est-elle développée au fil et à mesure de l'expérience de vie de ces personnages-là. Alors donc on se retrouve vraiment dans un quotidien très quotidien, dans quelques journées finalement qu'on suit au fil de ces deux années-là, au fil d'une année ou deux années, et donc on va suivre le trajet des ordures, on va les suivre, aller ramasser différents types d'ordures, être confronté aux gens qui vivent dans ces demeures-là, donc un côté très quotidien, très routinier, presque documentaire à certains égards, mais qui sort un peu de ce côté routinier par le charisme des protagonistes qui l'animent. Donc c'est vraiment solide à travers tout ça. Poubelle surchargée, maniaque des ordures, cadavres d'animaux, voiture liquéfiée à la pièce. Donc c'est drôle, c'est solide, ça porte à réflexion. Tout ça avec un trait qui est très à l'américaine, qui est pas nécessairement spectaculaire, mais qui est juste, et c'est ça qu'on lui demande. Alors ben voilà, je n'en dirai pas plus, sinon de vous enjoindre à y jeter un coup d'œil et à plonger vous aussi dans ce récit à saveur d'ordure et de découvrir ben, la vision qu'a de ce travail et de ces incidences qu'a Derf Back Derf. Alors ça s'appelle donc Trashed, c'est en français chez Ça et Là, donc voilà, donc de Derf Back Derf. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle également que vous pouvez suivre l'émission via le blog voir.ca/Raymond-Poirier. Également, nous écouter en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Et maintenant, on retrouve l'un de nos collaborateurs, j'ai envie de dire notre libraire en résidence, Marco Duchesne. Bonjour. Salut. Alors, Marco, ben d'emblée, je te lance sur un titre. J'ai mentionné d'entrée de jeu, il est dans la sélection des 15 titres en lice pour le Grand Prix de la bande de la critique de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. Alors, le nouveau Pedrosa, Les Équinoxes. Voilà, alors je sais pas si je devrais en parler parce que je serais pas objectif. Parce que le titre précédent de Pedrosa, Portugal, pour moi avait été une révélation. Moi qui aime les séries où ça bouge, où il y a de l'action, où il y a du mystère à décoder. Écoute, ce titre-là, quand il a fait Portugal, cette brique à l'époque, chez Air Libre, qui racontait comment un Français décide de partir à la recherche de ses origines portugaises, à enquêter auprès de ses parents. Et il y avait cette scène magnifique d'un dîner en plein air à la campagne où on s'échangeait des histoires, où le personnage, finalement, avançait dans sa quête. Écoute, ça a été une révélation. Alors j'attendais Equinox avec impatience. Et des fois, justement, j'aurais tendance à dire, quand on a des hautes attentes, on peut être aussi hautement déçu avec les Equinox. Est-ce que au contraire... Non, parce que on n'est pas déçu, parce que Pedrosa pousse la barre une coche au-dessus. C'est-à-dire que dans Equinox, on a le droit à 4 saisons. Et à mesure que les saisons avancent, c'est 4 personnages dont la vie avance. Mais c'est aussi le constat d'une société dans laquelle on vit où la solitude y est présente. Et ces 4 personnages-là vivent la solitude d'une façon différente, à des âges différents. Une adolescente, quinquagénaire monoparental qui essaie de tant bien que mal de prendre son rôle de père, d'avancer dans sa vie personnelle et tout. Et il y a le magnifique personnage de la photographe. Une photographe qui revient de loin, c'est-à-dire elle est partie sur la route, elle a vécu quasiment comme sans-abri, et à un moment donné, s'est acheté un appareil photo et tranquillement revient parmi le monde. Elle prend des photos, et chaque fois qu'elle prend des photos de quelqu'un, mais on a par écrit, on a sans image, on a la version, on a l'histoire de la personne qu'elle photographie. Alors, on ne sait pas si cette histoire-là est l'histoire du personnage ou si c'est l'histoire qu'elle fantasmée par la photographe. Et par rapport à la petite histoire qu'on a de la photographe, ces histoires de personnages, de gens photographiés, nous font avancer malgré tout dans l'histoire de la photographe. Chaque histoire a son style de dessin particulier. Écoute, c'est un chef-d'œuvre. Moi, j'ai à la fin de la lecture, quand j'ai eu fini de le lire, j'avais eu les mêmes sensations et sentiments que j'ai eu à la fin de Habibi, que je considérais comme un des chefs-d'œuvre du 20e siècle, un des premiers. Ça a été le premier chef-d'œuvre du 20e siècle. Et je pense que là, on assiste au second. Pedrosa est un... C'est comme un chef d'orchestre, cette histoire-là, tout en tranches, à la toute fin, est rassemblée et donne... C'est comme une espèce de plat dans lequel on met dans une marmite tous les ingrédients. Après 15 minutes, t'as quelque chose de... Écoute, moi, j'ai été vraiment conquis, là. C'est vraiment... Et c'est pas quelque chose qui se lit, bon, ce soir, je vais lire, je vais prendre 2 heures. Non. C'est quelque chose qui se lit comme une œuvre romanesque. Mais à la limite, quelque chose qui se vit. Peut-être. Il y a une immersion à travers justement les différents styles, les différentes ambiances. On plonge littéralement. Tout à fait. Et quand arrive le temps de la photographe avec tous ses textes, toutes ses pages, en fait, chaque Jean photographié par la photographe est un petit roman en soi. Vraiment, là, c'est une réussite au niveau narratologie, de la narratologie en BD, là. Sa narration, cette façon de raconter est réussie. Même si y a rien de neuf, là, y a rien, mais l'agencement, tout ça, fait en sorte que, écoute, c'est vraiment une excellente... C'est un roman. Là, en fait, pour la première fois, pour ma part, tout le monde me connaît, c'est que le roman graphique, pour moi, je l'utilise très peu en disant que c'est de la BD. Mais là, pour la première fois, je pense que je peux utiliser le mot roman graphique. Alors, je pense qu'on a la plus haute recommandation pour les Equinox de Cyril Pedrosa chez Dupuis. Alors, en fait, faut le lire. On le met au marqueur en caractère gras. C'est souligné. Le cadeau de Noël à mettre sous. Il est un peu dispendieux, effectivement, mais vous allez voir. Mais c'est un bel objet aussi. C'est une brique. C'est une énorme brique et c'est le cadeau de Noël parfait pour l'amateur de BD. On passe à un autre titre. On parlait de Xavier Beridorisson tantôt, justement. Il a scénarisé avec Parnot Le Maître d'Armes. Wow! Quel bel album! Alors là, on retrouve mon goût pour l'action, pour ces récits racontés avec énergie et fougue. Alors, Le Maître d'Armes, en fait, c'est un truc historique. grâce à mon collègue Edouard, qui a une formation d'historien, qui m'a aiguillé sur cet album et qui m'a pointé les choses. Alors là, grâce à ça, j'ai pu vivre pleinement cet album-là. Alors, en 1521, où là, la date est peut-être pas exacte, mais en 1521, lors d'une réforme entre la Moyen Âge et la Renaissance, où l'Église est en train de se faire réformer, Dieu n'est plus au centre de l'univers, ce serait l'homme, le roi, décide que la rapière sera l'arme du maître d'armes et va devenir officiellement l'arme de la royauté. Et le vieux chevalier qui était le maître d'armes, qui lui pense encore à l'épée, cette épée large et tout. Alors là, dans un duel au début, entre l'ancien et le nouveau, il se fait un duel où il n'y a pas de gagnant. Alors le reste de l'album sera cette quête, ce duel inachevé, ce nouveau qui veut prendre la place, le jeune qui veut prendre la place du vieux avec. Écoute, c'est extraordinaire, ça ne s'essouffle jamais. Les deux se poursuivent et à la toute fin, il y a le duel. Et là, le duel. J'imagine avec cette montée-là, le fait d'avoir créé un suspense, des attentes. Ouais, c'est ça. À la toute fin, il doit vraiment y avoir qu'un seul maître d'armes et qu'une seule arme officielle. Et devant le roi, la longue quête, la recherche des deux qui se fait devant le roi. Et dans une espèce de drame, écoute, j'ai encore la chair de poule, rien que juste en parler. Dorisson, au scénario, a toujours été vraiment là exemplaire là à raconter des trucs comme Undertaker, hein, on en parle. Écoute, c'est un western. Et j'ai lu le deuxième aussi, il est tout aussi bon que le premier. Chaque album, chaque époque, vraiment, il s'y connaît et il nous fait vivre. Mais il s'est associé à un jeune dessinateur, Parnot. Vraiment là, vraiment graphique, vraiment moderne, puis ça, en fait, ce maître d'armes se lit comme un film. Ça montre la réussite de la mise en scène tout aussi. Tout à fait, ouais. Derrière tout ça. Ça, c'est chez Dargo, le maître d'armes. Donc c'est un seul album, c'est un one shot. Oui. Et on a le temps pour un troisième titre, en fait, ce crime qui est le mien de Zidro, qu'on aime bien d'ailleurs. Ici, c'est juste pour dire que, en fait, moi personnellement, je suis un vieux de la vieille et je me rappelle de l'époque où Berthet, le dessinateur, faisait de bonnes choses. Je me rappelle, entre autres, chez Air Libre, un des premiers Air Libre était fait avec Tome sur la route, et que j'avais tellement adoré. J'aimais son dessin. Passer la ligne claire, quelque chose qui était encore statique, mais qui, en fait, était très particulier. Et j'ai toujours aimé Berthet. Mais il s'est perdu dans des scénarios, à vouloir faire des scénarios dans le science-fiction, dans le polar. Et il est toujours en quête d'une bonne histoire, mais sans jamais la trouver. Et là, il part une collection chez Dargo qui s'appelle Ligne Noire. Et semble-t-il qu'il va s'associer à des scénaristes pour créer des albums uniques de style policier, de style trailer, de style roman noir. Et le premier qui sort est évidemment Zidrou. Et là, Zidrou n'a plus besoin de présentation, je crois. C'est le nouveau scénariste qui, à chaque fois, nous donne des histoires dans lesquelles, écoute, on aime tellement lire. Et là, le crime qui est le mien, c'est une réussite. Zidrou place son histoire en Australie. Un berger, un vieux berger qui, semble-t-il, traîne dans son passé un meurtre, un accident, peut-être. Alors, il doit revenir en ville pour régler une histoire avec son frère et tout en traînant le fantôme d'une jolie fille. Et tout ça mené de main de maître par le dessin de Berthet. Quand il n'a pas à se soucier du foutu scénario, Berthet arrive à nous raconter, mais magnifiquement, un trailer. Et avec Zidrou, c'est assez une réussite. Donc, à la limite, on pourrait dire, Marco Duchesne, ça te réconcilie un peu avec Berthet? Tout à fait. Moi, en tout cas, c'est une espèce de petite... tu sais, c'est comme... c'est comme avec Herman, là, quand il me sort un Jérémia que plus personne ne lit, que plus personne... Ah oui, mais il se répète. Oui, mais j'aime lire le nouveau Jérémia. Et là, ici, j'ai adoré lire le Berthet associé avec Zidon. Alors ça, c'est ce crime qui est le mien, dont je le rappelle, nouvelle collection Zidrou et Berthet, c'est chez Dargaud. Marco Duchesne, nous on se dit à bientôt. Ben merci. Merci à toi. Sur les ondes du 89.1 CKRL, je vous rappelle, la formation qu'on a écoutée au fil de l'émission s'appelle Ozd, avec leur album 8-Bit Run and Pun, disponible sur Bandcamp. Également, la semaine prochaine, vendredi prochain, on aura l'occasion, à partir de 17h30, de porter un regard sur quelques artisans qui seront au Salon Nouveau Genre 15. Alors, un regard en même temps sur des relèves en illustration, des relèves également en bande dessinée. Alors, ce sera donc à notre émission à la vie en BD, vendredi prochain. Alors maintenant, on passe à notre dernier segment et donc on parle littérature jeunesse illustrée. Julie Gagné est avec nous. Bonjour. Allô, allô. Alors évidemment, avec aussi ton public cible qu'on entendra peut-être en arrière-fond. C'est-à-dire mon fils de 3 ans. Voilà. Et Julie, tu nous parles donc de quelques titres cette semaine. On se lance immédiatement avec La petite feuille jaune de Laurie Cohen et Marie-Anne Abestris aux 400 coups. Oui, écoute, moi, là, ce qui m'a attiré dans ce livre-là, tout d'abord, c'est la petite feuille jaune. Là, tous ceux qui ont des enfants d'âge préscolaire l'ont probablement vécu. Un enfant aime ramasser les feuilles. Puis ça a commencé, là, je pense que la première feuille est tombée en nous, là, puis il l'avait remarqué, puis il la ramassait. Donc, quand je suis tombée sur ce livre-là, j'ai vraiment trouvé que ça ressemblait à mon fils, mais au début, j'étais pas trop certaine. Dans le fond, nécessairement, effectivement, ça parle à l'enfant. Dans le fond, c'est quelque chose dans lequel il se reconnaît. Ben, dans lequel il se reconnaît, je le sais pas. Mais moi, j'aimais ça parce que c'est en fait l'histoire d'une feuille qui est dans un arbre, qui est vraiment magnifique, un arbre vert avec toutes les nuances de vert. Et là, il y a une pauvre petite feuille jaune dans cet arbre-là. Elle est seule à être jaune. Puis, ben, les autres feuilles ne l'aiment pas, disent qu'elle est étrange, qu'elle est pas jolie. Les feuilles s'écartent, la poussent, veulent rien savoir. Même à l'automne, les feuilles changent de couleur, les fleurs regardent les feuilles tomber. Bon, est-ce qu'il y a encore des fleurs à l'automne? Oui, mais peut-être pas au moment de la chute des feuilles. Puis là, finalement, ben, la petite feuille jaune, elle tombe, puis elle se ramasse dans le vent. Hein, puis là, ben, au gré de ses pérégrinations, elle va sur l'épaule d'un banquier pressé qui la balaie d'un coup de pouce, une artiste peintre qui la tasse en disant « laisse-moi travailler », le fermier qui veut continuer de conduire son tracteur. On poursuit comme ça, là, un petit garçon allongé, il tombe sur le nez, il veut rien savoir. Puis il y a personne qui s'intéresse à cette feuille-là. Puis là, elle se ramasse en ville, il pleut, et piétinée. Elle est plus belle, elle est flétrie, et même un terme que mon fils aime bien dans cette histoire-là, c'est ratatinée. Et là, elle est ratatinée, et finalement, il y a un petit garçon qui la ramasse et qui la trouve vraiment belle, et là, elle trouve sa place. Puis, je trouve ça beau aussi parce que, ben, tu sais, c'est un peu une histoire sur la différence, sur comment, des fois, ben, être différent, c'est pas nécessairement socialement accepté, mais qu'on va toujours trouver des gens pour être là pour nous. Et au niveau graphique, en fait, il y a cette feuille jaune-là qui est présente, mais parallèlement, on a aussi des petits tableaux qui sont esthétiquement très, très, très solides, très réussis. Je pense notamment à une page où, pour avoir eu l'occasion de parcourir le livre, on se retrouve dans un pré de fleurs où justement une petite fille est en train de danser, mais j'aime beaucoup l'ambiance qui ressort de cette page-là. Il y en a plusieurs, des pages comme ça. Ben, effectivement, puis quand on regarde le dessin, il y a comme une ambiguïté. Est-ce que c'est de l'aquarelle? Est-ce que c'est du crayon de bois? Par moment, on a l'impression que c'est ça, c'est du crayon de bois ou encore du crayon de feutre. On n'est pas trop sûr. Puis j'aime bien ça. Puis il y a des couleurs quand même assez vives, des dessins assez assez simples, mais quand même avec une richesse dans les illustrations. Puis, mais quand même, la feuille qui est toujours mise en valeur. Puis tu sais, une image que j'aime beaucoup, moi, c'est la ville qui est grise, oui. Où les parapluies sont noirs, les personnages sont habillés en noir, en gris, puis la feuille est jaune, puis à peine deux petites touffes d'herbe. Et justement, ces deux petites touffes d'herbe-là, on se retrouve avec la feuille jaune, avec les éléments, l'ambiance, la page qui est blanche, un peu l'image de la rue. Donc, on joue un peu avec les dimensions du vide aussi, de l'espace, les dimensions de couleur. Donc, en fait, comme tu disais, c'est un livre, le dessin, il est simple, mais il est efficace, il est réussi. Et je trouve que ça favorise l'immersion de l'enfant, peut-être aussi, de reconnaître un peu le trait, de reconnaître des ambiances, pouvoir jouer un peu avec ces dynamiques-là. Oui, effectivement. Sérieusement, je le recommande. Puis, tu sais, c'est une histoire, là, tu sais, moi, mon fils a 3 ans, puis, tu sais, c'est une courte histoire pour un enfant de 3 ans, quand même, là, on s'entend, là, il est capable de prendre des histoires plus longues. Donc, je dirais qu'à partir de 2 ans, ça peut vraiment valoir la peine, là, de commencer à la raconter, même bébé, tu sais. Mais les couleurs, des, en des fait, pages des... de 1 ou 2 phrases, là, sans plus, ça. Donc, voilà. Alors ça s'appelle La petite feuille jaune, donc je le rappelle, de Laurie Cohen et Anne-Marie Abers-Driss. C'est aux 400 coups. Deuxième titre pour cette chronique, deuxième et dernier titre, probablement, Perché sur mes hautes jambes, de Valérie Boivin et Hélène de Blois, aux éditions de La Bagnole. Oui, écoute, moi, déjà, là, j'avoue que j'avais un faible pour Valérie Boivin. Déjà, c'est une illustratrice, puis aussi, elle avait écrit un livre qui s'appelle Un après-midi chez Jules, qui avait gagné, je ne me rappelle pas exactement quel prix, en 2014 prix ou 2013. Prix des libraires, si je ne me trompe pas, à Montréal. Qui avait été publié... Prix des bibliothèques de Montréal, fait quelque chose de genre. En tout cas, je pense que ça avait été publié aux 400 coups. Oui. Puis ce livre-là, je l'aimais déjà beaucoup, puis mon fils l'aimait beaucoup. C'est une belle histoire ouverte d'un petit garçon qui s'ennuie nuit, puis qui lance des avions de papier, puis que finalement, ben, il reçoit, à un moment donné, un avion de papier de quelqu'un, puis ben, l'histoire est ouverte, on se demande qui l'a envoyé, puis l'enfant participe à cette histoire-là. Donc, j'attendais quand même avec impatience le nouveau livre de Valérie Boivin. Je voyais le lancement qui avait été fait, je crois, c'est au Lièvre et la Tortue, sur la 3e avenue, et j'étais vraiment contente quand j'ai reçu le dit livre. Pourquoi j'aime les illustrations de Valérie Boivin? Tout d'abord parce qu'il y a comme une dimension un peu nostalgique, des couleurs froides, des ambiances dans ses dessins, des personnages vraiment typés, reconnaissables d'un livre à l'autre, avec des beaux contrastes de couleurs quand même dans les illustrations. On sent qu'elle a un dessin peut-être un peu plus fignolé encore là, que dans un après-midi chez Jules. Mais c'est aussi pour la belle histoire. Les enfants... Ils sont tout le temps fiers quand ils sont grands. Quand je dis à mon fils, des fois, je dis « Ah, mon bébé », tu sais, comme par réflexe. Puis je dis « Je suis pas un bébé, je suis un grand garçon. » Il a 3 ans, puis c'est vraiment ça veut toujours important. Être plus vieux, là, aussi. Puis, c'est ça. Les enfants veulent être plus grands. Puis là, ben c'est Jules qui est perché sur des échasses, qui se promène, puis il devient toujours proportionnellement de plus en plus grand, au point d'être grand comme un dragon, grand comme une baleine, grand comme des montagnes. Puis en fait, finalement, ça force la perspective. En fait, c'est j'aime bien le jeu de perspective que ça force. Effectivement. Les ambiances également, puis éventuellement, tu sais, à un moment donné, il dit, tu sais, je suis tellement haut que quand je regarde avec une loupe, les arbres ressemblent à des brocolis, puis les plantes ressemblent à des radis, puis mes amis sont tout petits, puis éventuellement, il sent comme trop gros, puis là, il a peur d'écraser les autres, puis il sent qu'il va trop loin, puis là, il dit... finalement, il rapetisse, puis il va voir son papa, puis il dit à la fin, ben ça fait du bien d'être petit. Et tout ça, Julie, en fait, je pense que c'est bon de signaler, c'est écrit aussi en vers. Il y a un côté très poétique dans l'écriture d'Hélène de Blois. Effectivement, c'est une écriture qui est vraiment magnifique. Par exemple, Je peux toujours donner, j'essaie de donner un exemple de phrase où là, il est dans le désert avec les chameaux. Le nez dans la tempête, je vais droit devant, par-delà les mers, sur les continents. Je franchis les déserts, les glaciers, les volcans. 100 fois, je fais le tour de la Terre. Donc, il y a effectivement une attention qui est portée à l'écriture et qui peut certainement sensibiliser tout petit les enfants à la plume d'un auteur, parce qu'on n'est pas dans un vocabulaire qui est comme enfantin ou infantilisant. Là, on sent qu'il y a quand même un niveau d'écriture. Oui, parce que veux pas, c'est des histoires qui sont pensées pour être lues à voix haute, et nécessairement une musicalité aussi dans ce qui ressort quand on lit, quand on prend le temps de proposer chaque segment à l'enfant. Ben il y a une musique justement qui ressort de tout ça. Oui, puis tu sais, je trouve qu'il y a quand même, malgré tout, parce que tu sais, il est plus fort qu'un dragon, il est plus grand que les montagnes. Il y a comme une tranquillité qui émane à la fois du texte et des images qui nous sont proposées par Hélène de Blois et Valérie Boivin. Donc, je trouve que ça aussi, cette lenteur-là, cette tranquillité-là, ça fait du bien parce que tout ce qui se fait pour les enfants est tellement rapide maintenant. Puis on vit tellement dans une société rapide que c'est comme si elles avaient mis l'accent sur la pause qu'exige de regarder un livre avec son enfant, le moment de s'arrêter et de prendre le temps. Oui, puis en même temps, c'est nécessaire aussi. On peut pas apprendre si on est toujours dans l'instant. C'est au contraire, faut prendre le temps d'apprendre, prendre le temps d'appréhender, prendre le temps de se poser. Oui, effectivement. Alors, Raymond s'est lancé. Oui, Raymond s'est lancé. Alors, je rappelle, donc, ce titre-là, c'est « Perché sur mes hautes jambes » de Valérie Boivin et Hélène Leblois. C'est aux éditions de La Bagnole. Julie Gagné, merci beaucoup. Merci à toi. Puis on se dit à très bientôt. Oui, à bientôt. Alors nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. Alors on se retrouve vendredi prochain, toujours entre 17h30 et 18h30. C'était Raymond Poirier au micro. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée et une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.